Verlaine a 22 ans lorsqu'il publie, en 1866, son premier recueil, Les poèmes saturniens. Voici, dans l'ordre où ils apparaissent dans ce recueil, les 16 poèmes que j'ai choisis et enregistrés pour vous.